J'ai aussi mal à l'estomac. Vous avez des douleurs d'estomac aiguës ou simplement mal au cœur? J'ai plutôt mal au cœur. Allongez-vous là, s'il vous plaît. Bon, détendez-vous. Dites-moi où ça vous fait mal. Là, là. Aïe, mon Dieu, c'est affreux. C'est votre foie qui est affreux. Vous aimez trop le vin et la bonne chair. Je vais vous donner deux remèdes qui vous soulageront. Mais le plus important, ce sera de vous mettre au régime. Vous aurez certainement du mal à le suivre au début. Mais il le faut. Pour commencer, je vous conseille de vous mettre à la diète pendant 24 heures. Impossible. Sans nourriture et sans vin, je me sentirai très mal. Mais votre estomac et votre foie auront le temps de se reposer. Et en quelques jours, ils seront probablement guéris. Vous donnerez cette ordonnance au pharmacien.